Musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. Voilà donc le retour de l'émission du mardi après-midi. Voilà donc, j'espère que pour vous tout se passe bien, que vous avez passé une très bonne matinée entre 9h jusqu'à midi avec Lionel et que vous allez le retrouver aussi tout simplement et bien mardi prochain. Donc eh bien j'espère qu'avec les chansons qui vous a passé, eh bien j'espère que tout s'est bien déroulé, que vous avez tous bien aimé. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec les chansons variées, tout simplement, et j'espère que tout se passera bien pour vous. Et bien donc, je vous laisse avec du côté, bien sûr, la musique et donc les chansons, avec Valin Chamfort, La fièvre des samedis soirs, et puis suivi de Daniel Balawan, le chanteur. Le ciel où l'enfer m'avalait. Elle est belle comme princesse de sang, de ce qui rend un homme rêve et languissant. J'ai la fièvre dans le sang, cette nuit m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. Dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Si j'avais vu l'anneau d'or à son doigt, j'aurais fui, peut-être encore. Où veut en venir ce démon quand elle me dit supprime tout obstacle entre nous. Le corps, une princesse de sang, de celle qui rend un homme obéissant. La fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs. Comme un adolescent, je déraille bon sang. La fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang. Mmh.

C'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Et donc, je vous laisse avec deux morceaux folkloriques portugais. Et puis, je vous retrouve juste après, vous écouterez Indochine.

retour avec les chansons et je vous laisse avec Axel Red et puis juste après Bernard Lavillier. Saigner sur l'espoir.

passar na ribeirinha pus um pé. Molhei a meia pus um pé. Molhei a meia pus um pé. Molhei a meia. Namorei na minha terra, fui casar. Em terra alheia fui casar. Em terra alheia fui casar. Em terra alheia. Il s'appelle Chausson. Et puis juste après avec Billy, dans son titre qu'on connaissait très bien, Tendresse-moi. Ce serait dommage. Mais si je dis ça, je casse. Donc laisse-moi te chanter.

Naturel, très impatient, tu t'enflammais très rapidement, pas pour autant moins généreux. Ta famille te rendait heureux, par pudeur tu ne disais mot, aux côtés de ton fidèle chiot. Souffrance et maladie ont pris le dessus sur ta jolie vie, nous retrouvant dans le pétrin, abandonné. Et là où tu es, maman t'a-t-elle retrouvé? Je retourne les mêmes questions, comme une véritable addiction. cause. Se souvient entier de moi quand il sera devenu grand. Vieillir est vraiment un jeu d'enfant. Que de la vie a laissé rose. Le kiosque à musique. Thank you. Arc-en-Ciel. La poussière, la paix, la paix.

préféré être bien dans sa peau que sourire sur commande. Avoir pendant des mois trimé comme un fou. Et un soir, tout claquer d'un seul coup. Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Et puis on continue bien sûr avec les chansons et je vous laisse avec Michel Thor et puis suivi de Céline Dion. Sentiment, chaque soir j'attends cet instant sublime où comme un je ne sais pas où je suis, quelque part dans sa vie.

vida, a missa teu jeito, saber teus segredos provoca em mim desejo. Espero que me ligues, aguardo que me digas. Vem ao meu encontro no país das maravilhas. E numa dança, um vinho gelado, penso que tu já estás a meu lado. Na minha boca entrava a doçura, contigo hoje será. Amor, outra doçura, amor, outra doçura. Quero que me beijes e me leves à loucura. Amor, outra doçura, amor, outra doçura. És a minha cama, sou tua dama, essa aventura. Amor, outra doçura, amor, outra doçura. Quero que me beijes e me leves à loucura. Amor, outra doçura.

des enfants qui dansent, un bâton qui passe, je suis heureux. Et toi qui sommeilles, ton mari qui veille, c'est jamais pareil, je suis heureux. La langue pendule, lentement pendule, le temps qui recule, je suis heureux. Un feu qui s'étire, le lit qui m'attire, je suis heureux. Je suis heureux de tout cela, puisqu'on y est, toi tu es là, qui regarde, baby, qui regarde passer mes mains, de tes cheveux. Non, ma qui se donne, ta robe qui tombe, je suis heureux. Mon corps qui se moule sur ton corps qui roule, tes bras qui me roulent, je suis heureux. Mon souffle t'emmène en fond de moi-même, c'est l'instant que j'aime, je suis heureux. Perdu dans l'espace, cœur se fantasse, ta voix est si lasse, je suis heureux. Je suis heureux de tout cela, puisqu'on y est, toi, tu es là. Toujours là.

Voilà donc, eh bien, j'espère que vous avez passé un très bon moment avec les chansons que j'ai passées, tout simplement. Et puis, on va terminer l'émission avec un morceau d'accordéon. Et puis voilà, puis après, on se retrouvera tout simplement, eh bien, vendredi, à partir de 30h jusqu'à 17h. Voilà donc, eh bien, je vous dis bon sang tous et à toutes. Signalé en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. À